T'es dans la mouise, t'es mal et signe. Tu l'as deviné, ça gratte avec les jeans. Wesh, wesh, wesh, wesh, wesh la miss, c'est quoi la marque du jean? Je te tends la main avant que tu viennes faire la bise. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Le roi j'ai déjà roulé. On arrive à couler. Y'a des kills dans la fourgonnette. On est mal ok, j'arrive, encaisse, vite, teinté, encaisse, j'attise la braise, tape le 18, ça presse. J'ai des millions de rimes aiguisées, mais je les laisse dans leur fourreau. Les paris sur moi sont misés, mais je reste number uno. À 200 dans les virages, je vous attends au péage. Vois la peur sur ton visage, dégage. Tu connais ton type, c'est du sale gros. Ceux qui mangent le moins, c'est ceux qui parlent trop. Tu connais ma team, c'est le Wati Bégro. Je vous laisse, j'aperçois les decks dans le rétro. Hein, maintiens qu'un free pour m'épauler. On fait bouger les foulées, tire au peupon dans la foulée. T'es dans la mouise, t'es mal et signe. Tu l'as deviné, ça gratte avec les jeans. Wesh, wesh, wesh, wesh, wesh la miss, c'est quoi la marque du jean? Je te tends la main avant que tu viennes faire la bise. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Le roi j'ai déjà roulé. On arrive qu'à couler. Y'a des kills dans la fourgonnette. On est mal vas-y en file, les autres savent. Y'a trop de sang, prends du liquide. Des grosses liasses, des gros sacs, un véhicule. D'une autre marque, une autre plaque, matricule. 9-4, 9-4. Les sirènes retentissent au compteur de 110. Dans le coffre de 100 kits, rappelle-moi de 100 fils. Sueur froide, trop de stress, j'ai pas laissé trop de traces. Boîte auto, j'trace, gros, ciao, go fast. C'est le début, mais y'a déjà deux buts en face. Fais de la repu car les thunes me mettent en face. Wow, mais qui me chuchote ces trucs de barge? Si j'étais muet, c'est les armes, gueulerait ma. T'es dans la mouise, t'es mal et signe. Tu l'as deviné, ça gratte avec les jeans. Wesh, wesh, wesh, wesh, wesh, la miss, c'est quoi la marque du jean? Je te tends la main avant que tu viennes faire la bise. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont pilonner. Y'a ceux qui vont charbonner pendant que les autres vont bibibibibibi. Le roi j'ai déjà roulé. On arrive qu'à couler. Des kills dans la fourgonnette. 9-4-310, on est malhonnête. Les pertes humaines sont nécessaires pour être libre. J'ai rendez-vous avec l'histoire comme Jack Mestre. Les pertes humaines sont nécessaires pour être libre. J'ai rendez-vous avec l'histoire comme Jack Mestre. Qui arrive qu'à gouler, c'est sûrement. Si le moi j'ai qu'à rouler, c'est sûrement. C'est sûrement, tu la reconnaissais. Les rageux bras et rafale en drapac. C'est qui arrive qu'à rouler, c'est sûrement. Si le roi j'ai déjà roulé, c'est sûrement. C'est sûrement, tu la reconnaissais. Les rageux bras et rafale en drapac. Yeah, yeah. D-A-Y, L-A-S, M-S, Demon One, M-A-M-A-D, intouchable.